We'll be right back. son arrêt d'alerte. Yeah. We are the amazing keyboards. I wanna know, I wanna hear. La main camarade, bientôt, bientôt. Oh. Bientôt, on se serra la main camarade. Les oiseaux, les rivières, les cas, bientôt. We'll be right back. bush. Le temps est compté. Tic-tac. Un dîner. l'évidence de la catastrophe, il y a ceux qui s'indignent, qui dénoncent. Tic-tac. La catastrophe, leurs voisins, devant l'évidence, s'indignent. Tic-tac, tic-tac, devant l'évidence, je fais une vidéo. Je dénonce mon voisin. Tic-tac, tic-tac. Il y a ceux qui dénoncent, il y a ceux qui s'organisent devant l'évidence. Mon voisin, tic, tic. Salut la Tony. Devant le bouton. Il y a ceux qui s'organisent. La catastrophe. Comme on m'a dit. Devant l'évidence. La catastrophe. Par exemple. J'ai fait une vidéo. Qui s'impose. Séparatiste entre pieds du volcan, prisme qui sent et qui pressent la catastrophe. Je dénonce la catastrophe. Je m'indigne devant l'évidence. Et danser en sens le danse. We fly invisible. La catastrophe le danse. Le danse. On sent en danse. Descends de la montagne, te cacher là-haut.